10. Le livre du pèlerinage, Hajj. Chapitre 233. L'obligation et le mérite d'accomplir le pèlerinage, Hajj. Allah Ta'ala dit: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Sourate 3, verset 97. 1271. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'islam est fondé sur 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la salat, acquitter la zakat, l'aumône légale, accomplir le hajj, le pèlerinage, jeûner le mois de Ramadan. » Al-Bukhari et Muslim. 1272. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit un prêche dans lequel il dit « Ô gens, Allah vous a imposé le pèlerinage, Hajj, alors accomplissez-le. » Un homme demanda « Chaque année, ô messager d'Allah ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, se tut. Mais l'homme réitéra sa question par 3 fois. Il répondit enfin, alayhi salatu wassalam, « Si je disais oui, cela deviendrait obligatoire pour vous chaque année. » Et vous n'en auriez pas la force. » Puis il ajouta, « Ne m'interrogez pas sur des choses à propos desquelles je me suis tu, car ceux qui vous ont précédé n'ont péri que pour avoir accablé leurs prophètes de questions et s'être opposés à ces derniers. Lorsque donc je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez, et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. » Muslim. 1273. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, fut interrogé « Quelle est la meilleure des œuvres ?» Il répondit « La foi en Allah et en son messager. » On demanda « Et ensuite ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Le combat dans la voie d'Allah, le djihad. » On demanda à nouveau « Et ensuite ?» Il répondit « Un pèlerinage pur de tout péché, mabrour. » Al-Bukhari et Muslim. 1274. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Quiconque accomplit le pèlerinage en s'abstenant de tout rapport sexuel ou de tout propos obscène, de toute perversité et de toute grossièreté, retournera chez lui comme le jour où sa mère l'a mise au monde, pur de tout péché. » Al-Bukhari et Muslim. 1275. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La Umrah, pèlerinage à la Mecque, selon des rites particuliers et plus restreints que ceux du Hajj, efface les péchés commis depuis la Umrah précédente. Quant au pèlerinage pur de tout péché, Mabrour, il n'a d'autre récompense que le paradis. » Al-Bukhari et Muslim. 1276. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte avoir dit « Ô messager d'Allah, nous, les femmes, considérons le djihad comme la meilleure des œuvres. Devons-nous y participer? Le meilleur djihad pour vous consiste à accomplir un hajj pur de tout péché, » répondit-il, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari. 1277. Selon Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'est pas de jour où Allah sauve ses serviteurs de l'enfer plus que celui de Arafah. » Muslim. 1278. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Une umrah accomplie au cours du mois de Ramadan équivaut, en récompense, à un hajj, ou à un hajj en ma compagnie. » Al-Bukhari et Muslim. 1279. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, une femme a dit « Ô messager d'Allah, le pèlerinage fut imposé par Allah à ses serviteurs alors que mon père était déjà un vieil homme qui ne pouvait plus tenir sur sa monture. Puis-je accomplir le pèlerinage à sa place? Oui, répondit-il alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim. 1280. Laqit ibn Amir, radiyallahu anhu, rapporte avoir dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mon père est un vieil homme qui n'a la force d'accomplir ni le hajj, ni la umrah, ni même un voyage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, fais le hajj et la umrah à la place de ton père. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 1281. As-Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, a dit, on m'a emmené au hajj en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu alors que je n'avais que 7 ans. Al-Bukhari. 1282. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, rencontra une caravane à Ar-Rawha, proche de Médine, et interrogea ses membres. « Qui êtes-vous ? » ?»« Des musulmans, répondirent-ils, et de l'interroger à leur tour sur son identité. « Je suis le messager d'Allah, » dit-il, alayhi salatu wassalam. Une femme leva alors un enfant en bas âge et lui demanda, « Le hajj de cet enfant est-il valable ?»« Oui, et tu en seras toi-même récompensé. » répondit-il, sallallahu alayhi wa sallam. Muslim. 1283. Anas, radiyallahu anhu, relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a accompli le pèlerinage sur un chameau qui lui servait également à porter ses provisions de route. Al-Bukhari. 1284. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ukaz, Mijannah et Dhul Majaz étaient des marchés fréquentés par les gens avant l'islam. Les compagnons après l'islam craignaient donc de se rendre coupables de quelques péchés en y faisant du commerce pendant la saison du pèlerinage. Ce verset fut alors révélé « Ce n'est pas un péché d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. » Sourate 2, verset 198. Al-Bukhari. 1285.